Ok, je voudrais démarrer ma vie, mais j'ai pété la boîte de vitesse. Donc j'ai les nerfs à vif, toujours en train de rechercher l'ivresse. Je viens de donner mon avis, les politiques et les flics stressent toujours concernant l'ami, car j'aime pas quand c'est du vice. M, héros justice, qui rappe près du métro, la marque qui pose avec du style, mais qui veut pas qu'est trop la maille. Balance pas tout costile, t'as plein du noir, tu dis que t'aimes trop la night. Ça joue les mecs trop speed, alors qu'ils font perdre du temps dans la life. Certains font payer des feats, joue les restas, ne décroche pas. D'autres veulent percer trop vite, mais le destin me décroche pas. La bande à part, une modeste team qui baisse les balles sur les gauches droites, mais ne compte pas sur mon estime. Parce que tu portes des grosses vagues, intelligent, discret. Tu devrais m'appeler Malcolm. Ici les gens disent vrai, valant jamais de face con. La vie t'a mal viscère comme beaucoup y'a mal donne. Tu rappes pas avec les viscères, promis j'écouterai ton album. Tu veux savoir pourquoi l'alcool est mon échappatoire? Bellec à toi gars, il faudrait peut-être pas trop en savoir. Ces François nous ont appris la peur du noir, ou la peur tout court, c'est pour toujours contrôler ton espoir. Mon histoire, c'est celle d'un mec à part, effrayé d'être monnayé ou mitraillé du fait de savoir. Va savoir, suis-je un mec à part, embrouillé, macouillé, peut-être un jour victime de trous noirs. J'ai vu les peuples souillés en sodomie et les idées noyées dans la lobotomie. Tant de mythos, tant de mystères, d'autres méditer. Dites-moi si mes doutes sont bien fondés dès le fait de voter. Évitez de vous faire marionnetter et luttons ensemble afin de me cogiter. Donc réagis et agis pour faire bouger le monde. Moi j'ai choisi la voix du peuple et celle du tiers-monde. La combinaison c'est DES, la bande à part et MSD. C'est un bon départ, tu peux rester et prendre part à MSTEC. C'est pas les States, ça vient de Paris. Là on brise des sèches, pas de prise d'essai. J'ai crise de scène, ici les gens plein de crise d'essai. Des mal et putes s'écartent, y'a plus de cigares pour leur péter les jambes. C'est grave qu'ils puissent ces gars et putes c'est quoi, je m'en tape de ta légende. C'est inquiétant, je fais pas d'étoffe, putain d'époque sur tes 10 potes. On s'enlève de la merde, mais y'en a toujours inquiétant. On se court, de décor, c'est le couvre-feu quand les portes secours. Au secours, leur trou s'écorce, c'est court, je veux qu'on ouvre la porte de secours. Y'a trop de secousses, c'est quand je vois tous mes potes loin de la brique qui me tue, car dans ma rue, je croise plus de porc qu'au salon. De l'agriculture, les restes partent en fumée. Dis-moi comment tu veux que je tombe plus, mec. Mais sache que les chaussures de la faucheuse sont des bombes funèbres. T'entends plus parler de moi et c'est dommage que tu trouves ça bizarre. Je me fais discret comme un milliardaire avec des habits sales. Ici tu peux béton vêtement comme dans Dark Castle. Je peux pas Dark Castle ou faire les dingueries de Marc Pasquel. Je marque la scène, j'arrive avec une pléthore de rimes. Une rhétorique très torride, pas des textes horribles. Les MC sont démodés comme Miss 17. Ils renvoient une image catastrophique, mais ils se veulent dignes. Mes soucis s'accumulent, c'est pas le problème du garde des sceaux. Ici ça peine. Que quand on subit un dégât des eaux, ne viens pas check ce son où il te casse l'épaule en quatre. C'est pas du pôle en cas, il envoie le tien au pôle emploi. Je ne parle pas dans le vent, donc je fatigue les gens rarement. C'est un freestyle de luxe qui baisse calibre des gens armants. C'est triste à dire, mais depuis que la cristalline, petit à petit la tise a remplacé la cristalline. On sort de la radio pour poser avec le poteau subtil. Première écoute, t'es ébahi comme sur une photo surprise. Ce soir c'est freestyle, qu'est-ce qui se passe, les joueurs stas, je tisse. Tu qu'est-ce qui se tramera, ne stop, ça tisse, gras, je maîtrise plus. C'est instable, rap stack, les mecs stas pour des thunes. Les putes parlent, mais qu'est-ce que t'as pas le style pour étude. Ce soir c'est freestyle, qu'est-ce qui se passe, les joueurs stas, je tisse. Tu qu'est-ce qui se tramera, ne stop, ça tisse, gras, je maîtrise plus. C'est instable, rap stack, les mecs stas pour des thunes. Les putes parlent, mais qu'est-ce que t'as pas le style pour étude. 75-018, une vie dans le vice, remplie d'envie, ça part en vrille, penché dans le vide. D'une toute sensible, tout le monde s'enfuit, y'a pas de consigne, fais pas de chichi, viens pas me chercher. Faut qu'on se barre d'ici, le quartier fait trop cliché. Entre les drogués, les clochards qui chient pas de banc. J'ai dans le 18ème, les jeunes foutent sur un banc. Dis-moi, je me sens pas chez moi comme un Touareg. Sur une banquise, je squatte ma rue. Avec mes potes comme ma ville, c'est un sortir la nuit, c'est comme croquer une pomme, y'a toujours un pépin. C'est plus du mal, mais du bonheur que je me méfie. Toujours en retard, tout comme un boss quand tu lui donnes un permis sur minuit. Mais pour les jeunes, niquer la justice reste un pari banal où les lois trouvent leur place dans le caniveau. Comme un pari paname, les lampadaires s'allument. Pour nous, c'est l'aurore. L'heure du réveil, c'est l'horreur. Le crâne en vrac après une soirée au rhum. Je déballe des rimes, c'est pour le système que je les destine. T'es ma note liberté et tout, tout comme Fadjo qui porterait des slims. C'est ça le délire, on tourne sans but comme des satellites. Faut qu'on se délivre des mains de la rue, c'est rude et de ces sales délires. C'est ça le délire, on tourne sans but comme des satellites. Faut qu'on se délivre des mains de la rue, c'est rude et de ces sales délires. Peu importe mon expérience, quoi qu'il arrive, je reste sceptique. Rien n'est gagné d'avance, j'écris pour que la foule soit réceptive. J'ai qu'une chance et j'ai déjà foiré trop cette vie. Nique sa mère, je rappe l'instant. Je vais pas dans la rétrospective. Aucune richesse, lyrical est notre patrimoine. On est que de sales trimards qui feront pas la une de Paris Match. Actif au stud, tu comprends pas, c'est notre combat. On prend de l'âge, mais on n'est pas de ces gars qui posent plus. Crois-tu qu'on postule? Rends pas ton contrat, avec nous tu costumes. C'est que t'as pas compris ce dont on parle. L'argent c'est tentant, ma gueule, mais quand j'entends les meilleures ventes dans les packs, j'en perds mes moyens, j'en tremble. Putain, les gens tremblent dans la merde et s'y enchantent. Nous on fait que se mettre en jambe avec des lyrics. Tranchant, lâche pas la team, reste à l'écoute, ça percute. Du lourd dans nos actus, télécharge, ça sera pas perdu. Ils nous servent tous la même merde, on tous la même dégaine. Bah ouais les gars ça craint, sur le beat fait des dégâts. Touche pas la vie du bout du doigts. Ce qui importe c'est d'y croire. Évidence que je te dis là, pourtant j'ai pas d'auditoire. Qu'il soit tôt ou tard le soir, dans ta chambre ou dans un bar, ne laisse personne te diriger. Contre la censure je viens m'ériger. J'ai de l'estime pour ce mouvement des centimes. Pour le moment tout un tas de sentiments. Pico Posca, c'est mon empreinte que je laisse là. Je m'en bats les couilles des cons qui font tiède. Qu'on me type ou qu'on me check, je me sens bien dans mes baskets. Sur mes techs je me prends la tête. Pour pas qu'on dise que je suis faux sur ce que je fais ou ce que je suis. Mes revers je les essuie et mes fautes je les assume. Car la vie t'apprend que quand t'es petit tu te vois grand. Et quand t'es grand tu bois du grand. Pour remonter la pente, remonter la pente. Pour remonter la pente, pour remonter la pente. Ce soir c'est freestyle, qu'est-ce qui se passe? Les joueurs stas, je glisse, tu qu'est-ce qui se trame? Rien nous stop, ça tisse, grave je maîtrise plus. C'est instable, le rap stack, les mecs stas pour des thunes. Et puis parle, mais qu'est-ce que t'as pas le style pour étude. Ce soir c'est freestyle, qu'est-ce qui se passe? Les joueurs stas, je glisse, tu qu'est-ce qui se trame? Rien nous stop, ça tisse, grave je maîtrise plus. C'est instable, le rap stack, les mecs stas pour des thunes. Et puis parle, mais qu'est-ce que t'as pas le style pour étude.